trop de conflits, facho, raciste, c'est gendarme avec ses conflits de gendarme. Rêve de mon cachot, mais notre numéro t'es rare, sauf situation d'un black lavé dans l'eau sale, guerre chaude. Moussad et mon rive, au sabon rime, bloc sale pour pseudonyme, sans venime, nos visions mine de rien, nos vies empoisonnent la mort lente. Machination, litige, depuis des lustres, les 60s, ségrégation en abondance. Dans les quartiers, ça passe sur le carnage, fais les arcades pour un sou, full sou pour peu de royalties. On vit loin du tropique, près du trafic, nos libertés d'expression utopique, adhésion, force maléfique, magie, noir comme la malcane, maltraite, flic aboyé, pathétique, rêve de nous mater, mathématiques, chira de maquer. Discriminé dans cette vitesse, à grande vitesse, narcotique, le crime test, sarcoflique. Discrimination positive, dis-moi y'a quoi pour nous ici, nos poésies face à l'ordure politique. Discriminé dans cette vitesse, à grande vitesse, narcotique, le crime test, sarcoflique. Discrimination positive, dis-moi y'a quoi pour nous ici, nos poésies face à l'ordure politique. Pour l'employeur, moi j'suis qu'un coupe-gorge, j'suis bon qu'à faire la maçonnerie avec les portugais, les rouges coffres, sous le porche, les mêmes qui rêvent de sous de Porsche, les mêmes qu'ont l'habitude du contrôle suivi du coup de crosse. Ta couleur de peau annulera ton diplôme, ton nom de famille sur ton CV, pour eux on a dit trop. J'suis qu'un clone de mes ancêtres. Discrimination, esclavage, c'est la même pratique et s'enchaîne. Sans gêne, sans gêne. Je sens que j'serais hardcore dans mes mots parce que je vois pas pourquoi ça changerait. Se venger, la solution n'est pas là. Mais l'injustice dans le ghetto a laissé v'là les cadavres. Bloqué par l'État, stoppé par le taf, on ne fait que stanner dans la masse car nos différences ne plaisent pas. Et si j'suis bon qu'à faire le maçon, j'vendrais de la drogue à tous vos filles, j'appellerais ça discrimination. Discriminé dans cette vitesse, à grande vitesse, narcotique, le crime test, sarcoflique. Discrimination positive, dis-moi y'a quoi pour nous ici, nos poésies face à l'ordure politique. Discriminé dans cette vitesse, à grande vitesse, narcotique, le crime test, sarcoflique. Discrimination positive, dis-moi y'a quoi pour nous ici, nos poésies face à l'ordure politique. Discrimination règne dans le pitieux, machination dans la tête, le tune en paix, c'est l'amertume. Dans le stress, on déprime. La presse en transe s'exprime quand je transgresse au crime. Va leur dire qu'à pas que des ruelles sont dealers ou vermines. Cruels sont trop défis, tu es l'âme son. Difficile de vivre sans fond, déficit dans ce monde. Peu poli, mais reste polymôme. Avec un mobile pour nos binômes. Dans ma prose de vie, garbimôme. Flick and derby, c'est diatribe. La cité, c'est vendetta, cité au crime. Sim trompine, vend dans le tas, nos combines sur les trombones. Carabine nous trompe, c'est pas dans une cabine, mais dans une tombe que tu l'esquives et trompe. Nos causes néfastes, telle une pompe, on fait face à leur hécatombe. Songe étrange, rempli de promesses et mensonges. La jeunesse, jeunesse stress, pour l'emploi jeune, pour un jeune de test. La crabe Nesbis pour les filles. Discriminé dans cette vitesse, à grande vitesse, narcotique, le crime test, sarcoflique. Discrimination positive, dis-moi y'a quoi pour nous ici, nos poésies face à l'ordure politique. Discriminé dans cette vitesse, à grande vitesse, narcotique, le crime test, sarcoflique. Discrimination positive, dis-moi y'a quoi pour nous ici, nos poésies face à l'ordure politique. Discriminé dans cette vitesse, à grande vitesse, narcotique, le crime test, sarcoflique. Discrimination positive, dis-moi y'a quoi pour nous ici, nos poésies face à l'ordure politique. La discrimination à l'embauche reste une réalité en France, la tendance ne s'inverse pas. C'est le constat que dresse SOS Racisme dans un rapport rendu public aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le racisme. L'association critique le faible nombre de poursuites judiciaires. Au printemps dernier, Kamel, titulaire d'un DESS, des centaines de CV envoyés en vain. Il se résigne à des petits boulots. Et au café, il retrouve ses copains d'enfance. Même trajectoire et même déception. Forcément, dans notre tête, on le vit très mal. Parce que nos parents, ils avaient tout misé sur nous. Puis aujourd'hui, on peut même pas leur... En fait, c'est comme si ils avaient fait un investissement raté, quoi.